j'arrive comme un missile, ça fait froncer les cils sur tous ceux des débiles. J'arrive comme un missile, ça fait froncer les cils sur tous ceux des débiles. Mais alors fais parier sur les bords. J'suis peut-être pas dans une major, mais au moins je me démerde et je m'en sors. Quand je rappe c'est pas du faux, encore moins du pitron. Pour après je voudrais tant de fois de venir de derrière les poireaux. Même si j'en bois, qu'est-ce qu'il y a, c'est une réalité que je veux raconter. On griffe comme dans une piste de bowling et j'suis comme une boule qui éclate toutes les geeks sur son passage. Les rixes de moi, TJ, ALX font mal comme les coups de Théo dans ma crise. Prépare-toi à rapper comme je le fais. Les paroles, c'est moi qui les écris, ne le renie pas. Pendant que tu baves sur moi, je fabrique pas à pas mon univers de bras. J'arrive comme un tank qui détruit tous les soldats, qui les met à terre, qui les enterre à l'aide de ses roues. J'arrive comme un athlète de haut niveau, sauf que moi, je veux gagner tous les niveaux comme dans un jeu vidéo. Eh hey mec, si t'écoutes un de mes bons sons, écoute mes revendications. J'arrive comme un ovni sur la terre, j'arrive comme le coureur le plus rapide de la terre dans le terre-terre. J'arrive comme Sonic, le risson du personnel qui pense Robotnik et qui le nique. J'suis là pour percer, car de paroles sont aussi qui s'éboutent comme des épées. Fais après, attention. J'arrive comme un ovni sur la terre, j'arrive comme le coureur le plus rapide de la terre dans le terre-terre. J'arrive comme Sonic, le risson supersonique qui pense Robotnik et qui le nique. J'suis là pour percer, car de paroles sont aussi qui comme des épées. Fais attention. Moi j'arrive comme un aigle qui se pose aussi rapidement sur ce perchoir qu'il ne manque pas de voir. Je fonce vers la victoire comme un guépard qui te fonce dessus pour te mettre sur le dos comme au judo. Quand j'ai commencé à rapper, c'était ma première année. Aujourd'hui je pense être doué, je veux continuer. Faut mieux te préparer, car je suis arrivé grâce à cet atelier. Comme j'aime bien le rappeler, je veux dédicacer ces sons que j'ai fabriqués aux anciens membres du fameux atelier. Parler des gens car je suis arrivé. J'arrive comme un ovni sur la terre, j'arrive comme le courant le plus rapide de la terre dans le terre-terre. J'arrive comme Sonic, le héritier super, Sonic qui pense robotique et qui le nique. J'suis là pour percer, mes paroles sont aiguisées comme des épées, faites attention. J'arrive comme un ovni sur la terre, j'arrive comme le courant le plus rapide de la terre dans le terre-terre. J'arrive comme Sonic, le héritier super, Sonic qui pense robotique et qui le nique. J'suis là pour percer, car mes paroles sont aiguisées comme des épées.